Chapitre 3. Le voisinage. 8 jours après, Jérôme devait, avec les siens, s'installer à Rochemangarde. Monsieur Gourdon avait bien vite, trop vite, conclu l'affaire. Il ne redoutait pas le diable, ce riche. Dans la rue Saint-Jean, on interrogeait les Guitoux sur l'installation de Jérôme. Ceux-ci ne bavardaient guère. Pourquoi, cependant, le quartier ignorerait-il combien d'argent ils avaient donné pour les 6 premiers mois de location? N'insinuait-on pas qu'ils n'avaient pas eu assez d'économies et que Pataloque leur avait consenti un emprunt? Pataloque, oui, ce serré, ce grigou, qui vivait en cachette, dans des trous, à la manière des anguilles. À cette occasion, les boutiquiers apprirent, non sans envie, que ce rôdeur de l'Hérault avait, dans quelques années, mis 2 000 francs de côté. Quelle honte ! Pantaloque trouvait moyen, sans payer patente, de récolter des bénéfices dans un métier de fainéant. Les Guitoux, en acceptant ses avances, avaient donc commis une maladresse et une faute. Il encourageait dans sa fortune bizarre. De par leur réputation de probité et de sagesse, il consacrait son commerce. Et puis, surtout, n'avait-il pas infligé un affront à tout le quartier en s'adressant à Pataloque au lieu de s'adresser à Durante? Durante, depuis 40 ans, prêtait sans usure des sommes parfois rondelettes, pourvu que les emprunteurs fussent du voisinage et d'une respectabilité confirmée par 2 ou 3 générations. Seulement, voilà, le quartier aurait bien voulu savoir, au moins, les détails de l'installation de Jérôme, s'il réparerait le moulin à neuf, s'il achèterait des vaches, s'il apportait des meubles, s'il amenait Périne et s'il l'avait mariée. Cet après-midi, devant son magasin de coiffure, dans l'espèce de quadrilatère formé par 2 encoignures profondes qui élargissent brusquement la rue et lui donnent un air de placette, surtout au coin des 2 magasins des Garrigues disposés à angle droit, Rosette, la femme de Campal, une gaillarde aussi grosse qu'une barrique, menait à elle seule le train des commérages. D'ailleurs, elle ne perdait pas son temps. Elle lavait sa lessive, à même le ruisseau, dans 3 baquets. Une lessive de coiffeur, des serviettes par douzaine, tout le linge du samedi et du dimanche qu'elle entassait sur des bancs, contre le mur, après l'avoir savonné, pétri, trempé dans le courant rapide, tordu de ses bras nus de foraine. Agenouillée sur le pavé, laborieuse et propre, elle clamait « Alors, les Guitoux qu'on disait qu'ils envoyaient leur fortune jusque dans la Chine, ils ne sont pas plus avancés que nous !»« Oh, vous autres !» répliqua Fabarotte le peintre, « vous autres, les Campal, jeunes sournois, sans enfants, vous possédez de quoi, on le sait bien !»« T'es, tu es bien fort, toi qui n'as pas plus d'enfants que nous. Eh, dis, tu as compté notre caisse ?»« Pas besoin, nous vivons porte à porte. » On voit ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. » Les voisins, dont le nombre croissait, Boispot en tablier de toile, Sous les rôles en bras de chemise, Agnès, la bonne des Garrigues, tous les voisins finissaient par écouter les propos de Rosette. Celle-ci, provoquée, s'enhardit davantage. « Eh bien, je ne dis pas non. Seulement, si nous avions besoin d'argent, nous n'irions pas en emprunter, nous vendrions nos parures et nous nous serrerions la courroie du pantalon. » « Vous auriez tort, » répondit Agnès avec sa grande bouche qui s'ouvrait toute carrée sur des dents jaunes. « Pourquoi aurions-nous tort ? Parce que les honnêtes gens trouvent toujours des banquiers, pas vrai, Durante ?» Durante s'avançait. D'une voix éraillée par des bavardages de près de 60 ans, elle répliqua « Je crois qu'on ne refuserait pas plus à Campal qu'aux autres camarades. » « Vous avez raison, » dit Rosette, apaisée un moment par la flatterie des 2 femmes. Agnès s'esquiva dans sa maison, où les Garrigues la grondaient régulièrement d'entamer des discussions au milieu de la rue. Durante s'enferma à cagnarder sur sa chaise dans l'énorme niche qu'encadraient les murs des volets et la porte vitrée du magasin. Il y eut une accalmie. Fabarotte, dont la casquette abritait jusqu'au petit nez aplati, Boispot, la figure tachée de la pâte rousse du four, sous l'aérole, la moustache poudrée du sucre de sa pâtisserie, s'assirent l'un après l'autre sur le banc que Fabarotte plaçait chaque matin contre le mur entre son magasin de vitrerie et le salon de coiffure des Campal. Tous les trois fumaient un cigare d'un sou, les bras croisés, humant les odeurs de boutique et de cuisine, digérant leur dîner à la fraîcheur du ruisseau qui chante en faisant des glouglous de bouteilles. « Moi, reprit Rosette, qui se tournait vers la boutique des cordonniers, là-haut, à l'ombre de l'église, moi, je n'y comprends rien. « Qu'est-ce que ça peut te faire ? » riposta sous les rôles. « Quoi ? Accorderiez-vous du crédit à Jérôme, vous, monsieur sous les rôles, un homme de votre condition, dont la pâtisserie est connue depuis votre papette dans le département ? Je ne suis pas en cause. » Rosette fit à son tour Boispeau. « On voit que ton mari est allé au château de Pampan raser monsieur Gourdon. Tu en profites pour pérorer. Crois-tu que je me gêne devant mon mari ? Ta langue te portera préjudice. Préjudice ? À moi ? Quel mal je fais ? Pourquoi ? Parce que j'attaque les Guitoux ? Les intérêts de mon mari sont les miens, je pense. Des intérêts ? Des intérêts ? » Boispeau, à la fin, s'irritait des commérages de Rosette. À chaque dispute à propos d'argent, la Campal avançait le nom de Durante, ce généreux banquier. Mais Durante, après tout, ne tirait pas ses richesses d'un trou inépuisable. Ne fallait-il pas, en conscience, la défendre contre les élans de son cœur ? Et Boispeau, qui, ne se souvenant plus de sa femme depuis si longtemps qu'il l'avait perdue, convoitait la vieille fille en mariage, s'octroyait déjà le privilège de veiller sur sa fortune. Certes, Durance comprenait les prévenances du boulanger. Pourtant, elle hésitait toujours à accepter franchement ses tentatives parce qu'elle avait peur des hommes. En outre, elle aimait la paix de sa maison, ses aises et ses manies. Personne, dans la rue, ne soufflait mot des relations timides de Durante et de Boispeau. Seulement, on les épiait en s'amusant avec des airs d'innocence. Qui donc eût osé se moquer de Durante ? Les plus cossus, les plus sûrs d'eux-mêmes, tels que les Garrigues, n'avaient-ils pas, un jour de malheur, imploré son assistance ? Quant à ce fainéant de Boispeau, si on le respectait, c'était à cause de la riche demoiselle. Et le maladroit, tout d'un coup, taquinait Rosette. Sous les rôles et Fabarotte suçaient leurs cigarettes tranquillement, du moins en apparence. Car, au fond, ils tremblaient qu'une querelle ne contrariât la sérénité de l'après-midi. Rosette, ses bras dans l'eau, s'emportait contre la lessive, criait, montrait son visage ardent dans la ruche blanche du bonnet. « Oh oui, laisse-moi, tais ! D'abord, on ne doit pas prêter de l'argent à Jérôme. Il va venir déranger tous nos hommes. » Ah ah, Rosette est jalouse. Non, je ne suis pas jalouse. Tout de même, c'est malheureux pour ceux qui ont la maladie de cultiver l'argent. Ils ne savent pas le garder, ils le donnent aux autres. Tandis que l'argent, placé sur des terres, rapporte le 10 et le 15%. Il ne rapporte rien du tout quand on le prête aux amis. Allons, Rosette, tais-toi, interrompit Durante qui frissonnait de plaisir. Rosette ne voulait néanmoins offenser personne. Elle continua de plus belle en soulevant un torchon blanc de savonnade. « Pardi, l'argent, quand on le prête aux amis, c'est une œuvre qui vous fait bénir du bon Dieu. Et puis, dans le commerce, il porte ses fruits, il fait travailler, il nourrit du monde. Mais Jérôme, il va venir ici allumer des carnavals toute l'année et gare à nos écus. Allons, la jalouse ! Ricanèrent les trois compères sur leur banc. Moi, jalouse, par exemple, non. J'aime mieux une tranche de bœuf que le baiser d'un homme. C'est pour mes écus que je m'épouvante. Ah ah, si Campal t'entendait, il ne serait pas content. Les compères riaient aux éclats, Durante aussi, et même Rosette, qui martelait son linge à coups de batoir, le tordait à grands efforts de ses poignets rouges. N'osant plus alimenter le bavardage, elle se mit à siffler dans sa passion de faire du bruit et d'en entendre. Les trois compères, bras croisés, fumaient leurs cigares. Leur patience exaspérait Rosette. Agnès se rapprocha lentement, au pas précautionneux de ses pantoufles, pendant qu'une charrette de fourrage remplissait la rue de sa clarté de verdure et de son odeur de terre en fermentation. La charrette, avec sa haute charge de ballots mal liés, s'en allait en titubant, lente et craintive, entre les maisons resserrées, dont elle rayait les devantures et menaçait les grandes glaces et les balcons. Bientôt, la placette fut vide. Agnès put s'avancer vers le ruisseau. Rosette, à son occasion, hocha la tête. « Tais ! Cria-t-elle. « Je parie que vous savez, tous, le chiffre que les Guitoux ont emprunté à Patalocco et que vous ne voulez pas le dire. »« Moi, d'abord, je ne sais rien, » répondit Agnès. « Cachotier ! Eh bien, alors, quelle somme croyez-vous ? Ma foi !» Les trois boutiquiers cherchèrent une minute, les yeux au ciel. Ensuite, ils haussèrent les épaules. « Il faudrait savoir, » répondit Rosette. « Vous n'avez donc pas d'ambition ? Ça ne vous humilie pas que les autres vous dépassent ?»« Oh, moi, » fit Soulayrol, « pourvu que je vende bien mes gâteaux. Et moi, mon pain. Et moi, ma peinture et mes vitres. Vous avez le cœur mou. » D'un coup, pour prouver qu'entre ses mains, elle saurait dompter la volonté de n'importe quel homme, la Campale empoigna trois serviettes à la fois, les plongea dans le courant, les pressura sur sa planche, puis d'un jet indigné, les étendit, toutes blanches de lumière, à sécher sur le banc. Rosette, pourtant, n'avait pas plus de méchanceté que ses camarades. Les braves gens, il leur faut cette vie du dehors, l'exubérance des paroles au hasard, l'agrément du soleil sur les pavés et sur les façades, le bruit monotone du ruisseau, des rires, du vent, qui distrait la pensée et les yeux. La maison est pour eux le nid que l'oiseau quitte dès que le jour s'éveille à l'horizon. Ils retrouvent toute leur âme au seuil des magasins, se reconnaissent eux-mêmes au bord du ruisseau commun, portés tout de suite vers la joie simple d'être, rêvant au travail, bornant, avec une mélancolie très douce, leur émotion de nature et d'infini aux morceaux de rue où ils sont nés. Pour eux, toutes les maisons sont familières et doivent se montrer à ciel ouvert, comme la campagne. Il leur semble qu'une folie bizarre, une honte presque, qu'une d'elles ferme sa porte. « Pauvre Guitoux !» gémit Rosette, fatiguée de s'inquiéter en vain. « Il leur arrivera malheur !» Ils s'aventurent trop. Fabarotte, Boispeau et Soulayrol, qui voulaient faire l'effort, hochèrent la tête en poussant un soupir. Mais Fabarotte laissa tomber le bout de son cigare. Il profita de l'accident pour entrer nettoyer ses pinceaux. Les camarades, par imitation, se levèrent. D'ailleurs, 2 heures sonnaient au clocher de la paroisse. C'était la reprise du travail dans les magasins et les ateliers, la reprise du petit travail et de la sieste. Chacun rentra chez soi. Durande, avant de s'enfermer, aperçut Boispeau qui, de la fenêtre de sa chambre, par les volets entr'ouverts, l'épiait fixement. On entendit dans le quartier bienheureux que la voix de l'eau éternelle et, là-bas, les marteaux et les tenailles des Guitoux et, plus loin, partout, une légère rumeur de village que troublaient, à fréquents intervalles, les battements du battoir de Rosette, dont les bras infatigables manœuvraient comme des roues de moulin.